renouveler votre carte ou faire un don, passez nous voir à CKRL au 405 3e avenue entre 9h et 17h30, par téléphone au 88 640 25 75 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine en arts visuels à Québec. Audrey Caro au micro et heureuse d'être de retour parmi vous après 2 semaines d'absence. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée de ma collaboratrice de tous les instants, Jean-Tiane Lafrance. Bonsoir, Jean-Tiane. Bonsoir, Audrey. Ça va bien? Oui, très bien. Et toi? Oui. Alors, on propose à nos auditeurs aujourd'hui pour cette édition du 1er mars, donc un entretien avec Jean-Robert Drouillard au sujet de l'œuvre d'art public qu'il va réaliser pour la ville de Montréal, un cadeau offert par la ville de Québec pour souligner le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal. Et par la suite, notre chroniqueuse Suzy Dufour va venir nous parler de l'exposition Extra Large qui a débuté ce vendredi chez Engram. Et en deuxième partie d'émission, je vais discuter avec Maude Bernier-Chabot à propos de son exposition Anatomie d'un paysage qui est actuellement en cours à l'œil de poisson dans la petite galerie. Et puis, en toute fin d'émission, nous allons recevoir notre collaboratrice Louane Bourdeau qui va venir nous parler de l'exposition de Matt Golaski à la Galerie des arts visuels. Alors, je vous rappelle à tous que vous pouvez trouver toutes ces informations sur notre page web et notre page Facebook. La page web, c'est l'aérospatiale ckrl.wordpress.com. Vous y trouverez notamment les émissions en balado-diffusion, les actualités en art visuel, le calendrier des événements, des billets publiés parfois par nos collaborateurs et les sélections audio de la semaine. Et parlant de sélections audio, cette semaine, j'ai eu l'opportunité de nous présenter une petite sélection audio de mon cru et j'avais envie de vous présenter Geneviève et Mathieu, donc un duo artistique multidisciplinaire, donc à la fois art visuel, musique, et je voulais qu'on découvre un peu différents extraits de leur chanson ce soir. Alors, on s'en va écouter en premier lieu Les Extraterrestres. I'm from Calgary, Ontario. Cher journal. Là, là, là, c'est facile. Là, là, là, c'est facile. Je ne vais pas me Alors, j'ai le plaisir d'avoir parmi nous Jean-Robert Drouillard. Bonsoir, Jean-Robert. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Oui. Alors, j'avais vraiment envie que tu viennes nous parler de ce projet que tu vas réaliser, ou j'imagine peut-être déjà entamé tranquillement, mais donc ce cadeau de la Ville de Québec pour la Ville de Montréal pour souligner le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal. Et c'est un concours qui avait été lancé à quel moment, ça, au juste? Bon, il y a quelques mois, là, je ne m'en rappelle plus. OK. Ben c'est pas grave. Dans le fond, c'était juste pour savoir un peu par rapport à ce concours-là, comment tu as abordé par le fait que c'était un cadeau à la Ville de Montréal, comment tu t'es préparé pour justement faire ta proposition au jury? Ben, quand je travaille en art public, j'essaie de poursuivre mon travail, ce qui est extrêmement difficile là, pour les gens qui travaillent sur des projets d'art public, de poursuivre la même démarche qu'on a en galerie. Donc, j'ai essayé de poursuivre ça dans ma logique à moi. Donc, encore des personnages, encore de la figuration, encore des adolescents qui gravitent autour de ma famille. Ça faisait penser un peu... Moi, j'ai vu une connexion justement avec notamment l'œuvre que tu avais fait pour la Manif d'Art 7 il y a déjà une bonne année et demie, de presque 2 ans déjà. Ouais. Donc, autour de ce thème-là de l'adolescence, là, on sentait que c'était proche quand même de cet univers-là que tu avais développé dans cette œuvre. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de faire un projet qui allait utiliser les code d'un statuaire commémoratif que la plupart des gens, même les néophytes, sont capables de s'accrocher à ça facilement. C'est simple à décoder. Puis, j'ai cherché à contaminer ces codes-là. Donc, j'utilise des colonnes, j'utilise le statuaire, même le positionnement des personnages vont faire référence à différents types de statuaires, que ce soit le statuaire religieux ou le statuaire commémoratif, ou en tout cas la statue. Mm-hmm. Oui, oui. Donc la célébration de quelque chose ou la mise en scène de quelque chose qui est plus grand que nous. En tout cas, c'est ambigu dans ma tête aussi. Là. Mm-hmm. Puis là, j'ai cherché à contaminer ces codes-là par l'utilisation de la couleur, de la jeunesse, de chandails sportifs qui venaient... parce que j'ai télescopé plusieurs choses simples, niaiseuses et de premier niveau. Donc, le futur parc Ville de Québec qui va être à Montréal est à... c'est à deux pâtés de maison du Stade olympique, mm-hmm. puis c'est en face du Jardin botanique. Oui. Fait que j'ai fait 1 plus 1 égale 2. J'ai utilisé des chandails de baseball. Mm-hmm, mm-hmm. J'ai une équipe de baseball fictive. J'ai inventé des logos qui ont un rapport avec la boréalité, l'endroit où on vit dans le monde. Mm-hmm. Un corbeau, un ours. Un orignal aussi. Un orignal, un écureuil. La possibilité de mettre un loup aussi. Mm-hmm. Puis là, ben, la logique arrive, il y a comme une logique qui s'installe dans notre esprit. Fait que là, si j'ai des chandails de baseball, si j'ai un logo, je suis obligé de mettre un chiffre derrière. Mm-hmm. Oui. Donc, je me suis amusé à prendre des dates d'événements importantes pour la Ville de Québec et pour la Ville de Montréal. Donc, Fondation de la Ville de Québec en utilisant le 08, mm-hmm. Fondation de la Ville de Montréal en utilisant le 42, puis là, après ça... événements sportifs du genre Olympique de Montréal. Mm-hmm. J'utilise le 76. L'Expo 67. Oui, voilà. Oui, oui. Ben, et 2017. Comment? Et 2007. 2017. Ouais. 2017. Ouais, le 2017 est inscrit à l'avant. Ah, OK. À l'avant de tous les... Il est inscrit dans le faux logo, dans le logo de la fausse équipe de baseball. Okay. Voilà. Ben moi, j'étais curieuse de savoir, est-ce que ces dates-là, parce que quand on regarde Expo 67, les Olympiques, bon, on a les deux dates de fondation, mais on a ces événements plus récents-là. Est-ce que c'est parce que, justement, c'était peut-être plus proche de ta réalité ou de la réalité des gens dans lesquels ça allait s'inscrire? Ou c'est tout par hasard comme ça que ces dates-là se sont imposées? Ben, hein? Le stade est juste à côté. Après ça, on se met à chercher des dates. On essaie de faire des liens avec... le sport avec Montréal. J'ai fait comme une sélection oui. rapide, mais obligée, tu sais, de dates commémoratives comme ça. Là. Oui. Et puis, le titre de cette œuvre-là est aussi particulier. Il y a beaucoup de certaines poésies aussi. On sait que tu as fait des études en littérature. Comment ce titre-là t'est venu? Est-ce que d'ailleurs, on pourrait peut-être le mentionner aux gens. Ça s'appelle « Le contour des conifères dans la nuit bleue et les étoiles derrière ma tête sont dans tes yeux ». Donc, voilà, un titre quand même assez long aussi pour une œuvre d'art public, là, quand même. J'avais pas réalisé sa longueur, là, avant qu'on me le souligne dans les réseaux sociaux et dans les journaux, là, que... Mais c'était exprès, justement, pour... C'était encore une fois une question de chercher à créer de l'ambiguïté. Mm-hmm. Puis tout en allant exactement à l'endroit où je veux aller, c'est-à-dire que c'est un titre très alambiqué, poétique, pour parler de l'endroit où on vit dans le monde. Mm-hmm. Dans mon esprit, le contour des conifères dans la nuit bleue fait référence aux forêts qui nous entourent, à la boréalité encore une fois, l'endroit où l'île de Montréal est sur la planète. Et... cette poésie-là, pour moi, c'est aussi le rapport qu'on a avec les autres. Okay. C'est quand on est les yeux dans les yeux avec quelqu'un. Voilà, c'est un peu quétaine, mais tout à fait moi. C'est un peu quétaine et tout à fait moi là, de parler d'amour et c'est ça, du rapport aux autres, du rapport aux... des personnes entre elles, excusez-moi. Mm-hmm. Ben, c'est quand même intéressant parce que justement, dans l'idée du monument commémoratif, il n'y a souvent pas cette touche de poésie, en quelque sorte. On est plus dans le rappel historique, alors que là, il y a cet élément-là aussi qui vient, comme tu disais, un peu court-circuiter peut-être l'effet monument ou en tout cas, du moins, faire partie là, de cette volonté-là de contourner les éléments du commémoratif, si on peut dire. Oui. Et on le sait pas en lisant les journaux, puis on le sait pas en regardant. La seule chose que les gens ont accès, c'est un dessin de Google SketchUp. Là, mm-hmm, donc, c'est un peu difficile de juger de ça, mais c'est que les personne ne sait qu'il va y avoir de la lumière dans ces colonnes-là. Okay. Parce que le parc en lui-même... c'est un design tout à fait nouveau, qu'on n'est pas habitué. Il va y avoir beaucoup de lumière puis de LEDs qui mm-hmm. vont être carrément là, inscrits dans le béton partout. Là. Mais je parle pas de 2-3 lumières qui flashent. Là. Je parle de centaines de pieds de lumière qui vont souligner les formes très ondulées, très courbes du parc. Puis... fait que c'est super important que cette lumière-là devient un élément super, super important dans le mm-hmm. design du parc. Et j'ai inscrit cette lumière-là dans la colonne en faisant des espèces de boîtes lumineuses. Donc, les logos qui sont sur les personnages vont aussi être inscrits dans la colonne. Puis, quand l'œuvre va être complètement différente le jour et le soir. Ouais. Puis, la lumière va pas venir... éclairer le visage ou le corps des personnages, la lumière va vraiment être inscrite dans les colonnes. Fait que le soir, on va un peu perdre qu'il y a des personnages en haut. Donc là où je veux en venir, c'est que par rapport au titre, le contour des conifères, oui. puis les étoiles derrière ma tête sont dans des yeux, dans tes yeux, il y a un lien aussi que je fais avec l'utilisation de la lumière. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà. Puis peut-être l'impression aussi d'arbre que cette colonne-là va devenir. T'sais, si on perd un peu, ben pas perd le personnage, mm-hmm. mais qui devient un peu plus flou, justement, ça peut mm-hmm. faire penser à des arbres dans une forêt là, qui s'élève, là, quoi qu'il n'y en a pas non plus. Des tonnes et des tonnes, mais quand même, reste que c'est intéressant cet aspect lumineux-là qu'on n'a pas justement pu lire. Oui, puis ben, puis il y a d'autres dessins... C'est qu'il y a d'autres dessins qui sont inscrits sur la colonne qui sont... chaque logo, chaque ours, mm-hmm. Corbeau, va être mis en lien symboliquement, un peu étrangement, avec un dessin végétal. Donc, il y aura une rose, il y aura des conifères, un gland de chêne, qui eux aussi vont être dessinés dans la colonne et que la nuit, il va y avoir... donc, le contour de ces dessins-là va émerger grâce à la lumière. Ah, ben intéressant. Voilà. Puis, j'en profite là parce que je sens que je vais l'oublier. Les dessins ont été conçus en collaboration avec une céramiste de Québec qui s'appelle Viviane Leblanc. D'accord. Ben, c'est intéressant, c'est très important de souligner parce qu'effectivement, ça fait partie de ce projet-là. Eh bien, on va avoir le plaisir de découvrir cette œuvre-là, je pense, au printemps 2017 que ce sera inauguré. Oui, dans un an et un mois à peu près. Non? Parfait. Ben, au pire, c'est certain, en tout cas, moi, que je vais aller faire un tour pour voir ça. Puis au pire, on aura peut-être même l'occasion de se reparler de comment tout s'est passé, aussi le développement du projet. Je te remercie beaucoup, Jean-Robert, d'être venu nous parler de ça. Merci, c'est gentil à vous. Parfait. Donc, on s'en va en pause audio, bien sûr. On continue toujours avec Geneviève et Mathieu. Et là, on va vraiment écouter les extraterrestres parce que tout à l'heure, on a entendu « Idle No More ». Donc, les extraterrestres. Je t'ai vu sur l'eau, je t'ai dit allô. Je te vois, tu es là, devant mais pas trop bas. Sur l'eau, je t'ai dit allô. Je te vois, tu es là, devant mais pas trop bas. Regarde-toi. Alors, nous sommes de retour à l'aérospatiale et je suis en compagnie toujours de Jean-Tienne La France, mais cette fois-ci, Suzy Dufour, notre chroniqueuse, est parmi nous. Bonsoir, Suzy. Bonsoir, mesdames. Alors, tu es allée voir l'exposition Extra Large qui vient tout juste là, de prendre l'affiche chez Engram. Oui. Une exposition où on découvre des pièces de la banque d'œuvres d'art de Engram. Oui, exactement. En fait, c'est une exposition bénéfice. Donc, c'est pas à toutes les exposition que des œuvres sont mises en vente. Oui. Mais pour l'occasion, en fait, Engram a décidé de ressortir de la banque d'œuvres qu'il possède, qui est une banque d'œuvres qui contient des milliers de pièces accumulées au fil des ans, et de ressortir des œuvres, des pièces qui sont d'assez grand format. Et qui s'adresse donc peut-être un peu plus à des collectionneurs ou des gens qui veulent investir dans une pièce, une impression sur papier de grand format. Donc, les prix vont entre 800 $ et 2000 $, mais c'est des pièces assez exceptionnelles qu'on a moins l'occasion de voir aussi là, chez Engram, peut-être. Là. Donc, dans ce lieu d'exposition-là, il y a 9 œuvres qui sont exposées de 9 artistes différents. Oui, c'est quand même des artistes aussi. On en a plusieurs là, avec beaucoup d'années d'expérience derrière la cravate, si je peux dire. Absolument, vraiment. Je pense par exemple à René Derouin ou même à... on a le sculpteur Michel Saunier ou... Richard Mille, le peintre, absolument. Donc ça devient aussi des pièces rares parce que ce ne sont pas des artistes de l'estampe à la base, mais on a leurs expérimentations ou des œuvres finies qu'ils ont complétées chez Engram et qu'ils ont laissé finalement un tirage. C'est ça. Parce que pour expliquer peut-être la banque d'œuvres, je ne sais pas si vous êtes familière, mesdames, oui, avec ça. Oui, c'est ça, il y a une espèce de pas une politique, mais une règle chez Engram où les artistes qui produisent doivent laisser une de leurs œuvres, c'est ça? Oui, en fait, puis c'est pas une politique qui est propre à Engram, mais c'est une politique traditionnelle dans le domaine de la gravure. Super intéressant dans les débuts, si on veut, où il y avait des maîtres graveurs, des apprentis et des artistes, dans le sens où ce n'était pas l'artiste qui créait, par exemple, un dessin, qui avait une idée d'une estampe qu'il voulait créer, qui allait en atelier et qui techniquement confectionnait finalement cette œuvre-là, c'était le maître graveur. Okay. Donc, pour payer le maître graveur d'avoir fait, par exemple, une série de 10 de l'œuvre qu'il souhaitait ou une série de 20, peu importe, ben il devait laisser comme paie une des séries de cette œuvre-là au maître graveur. Et c'est resté finalement dans l'espèce de politesse ou en tout cas de règles non écrites. Du monde de l'estampe. Oui, oui, partout. Donc c'était du temps où la gravure servait essentiellement à reproduire des peintures, c'est ça. Donc c'était l'artiste peintre qui allait voir le graveur qui lui-même reproduisait la peinture. Absolument, ou même l'effet gravure ou litho, peu importe les techniques en estampe là, qui étaient utilisées, c'était pas l'artiste lui-même qui confectionnait là, en atelier cette réalisation-là. Donc, c'est resté et on dit, chez Engram, les artistes, soit ils viennent en résidence ou que ce soit la centaine d'artistes qui font partie du centre d'artistes, parce que c'est un centre d'artistes, Engram. Bien sûr, le premier à Québec, on parle de ça. Oui, en plus, et je pense que c'est le seul dans l'Est canadien, si je ne m'abuse, consacré à l'estampe. À Trois-Rivières. Il y a l'atelier Presse Papier, puis il y a Graphe aussi à Montréal. Toutes mes excuses. Pardon, j'étais sûre. C'est ceux qui me viennent en tête. Parfait, OK. Donc, bref, que ce soit des artistes en résidence ou les artistes qui font partie du centre, lorsqu'ils font un tirage, on dit que c'est normalement un tirage sur 10, c'est à peu près ça la proportion qu'ils doivent laisser. Donc ça fait une banque assez phénoménale là qu'ils possèdent. D'ailleurs, on m'expliquait sur place qu'en dans les années 90, ils ont même laissé une partie de leur banque d'œuvres à la Bibliothèque nationale parce que c'était pour trop volumineux pour la conservation et tout ça. S'assurer de garder tout ça en bon état. On n'a pas toujours les meilleures conditions dans les centres d'artistes. Oui, c'est ça. Ça prend des conditions muséologiques et puis c'est pas toujours évident d'avoir surtout ça. Surtout sur le papier, ça peut être fragile et instable. Oui, très fragile. C'est des vieux bâtiments patrimoniaux avec tous les aléas que des installations comme ça peuvent avoir. Là. Donc, absolument. C'est sûr que c'est assez difficile. Absolument. Donc, une exposition super intéressante là, qui s'y déroule avec des styles vraiment différents. Oui, c'est ça. Il y a à la fois du figuratif, de l'abstrait, de la couleur, monochrome aussi. Absolument. Puis des techniques différentes. J'ai vu de la lithographie, de la gravure à part entière. Tu sais, vraiment des choses assez variées, puis des pièces de rareté. Donc, peut-être qui s'adressent, à l'œil curieux pour aller jeter un coup d'œil, mais aux collectionneurs aussi, là. Puis, c'est pour une bonne cause. C'est pour, soutenir ce centre d'artistes à Québec. Oui, oui, vraiment. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même apprécié. J'ai eu des petits coups de cœur, notamment celle de Michel Saunier, justement, qu'on voit là, oui, sur le communiqué et puis qu'on a mis sur notre page web également aussi. Donc, ce que j'ai aimé, c'est un ours, mais qui a, dont on voit un peu comme la constellation. Oui, constellation, ça fait référence dessus un peu à la grande ours, mais oui, les étoiles sont des espèces de ronds quand même assez gros là, par rapport à... C'est ça, des ronds aussi qui sont pas, je veux dire, où on ne sent pas la matière, alors que dans l'ours, on sent vraiment le bois, tu sais, qui a été travaillé, justement, tous ces petits ronds qui ont, oui, forgé le corps. Ça. Moi, je sais pas, cette pièce-là m'a attirée, je l'ai trouvée très jolie. Oui, ben sinon, moi aussi, ça a été mon coup de cœur, là, vraiment, le relief ce résultat-là, vraiment. Il faut prendre le temps de regarder, même si ça paraît peut-être sur le coup, on regarde, on jette un coup vite, mais l'estampe aussi, c'est tout dans la matérialité également, dans la couleur. Je pense à la pièce de Richard Mille, j'ai bien aimé les jeux de couleurs, là, le bleu, oui, le jaune avec du vert, là, vraiment, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très beau. Oui. Oui, et sur cette pièce-là, d'ailleurs, Audrey, on m'a raconté que comme Monsieur Mille travaille la peinture généralement, c'est une lithographie qu'il fait, la pièce qui se trouve dans l'exposition extra large, et c'est avec ses mains qu'il réalisait finalement sur la pierre là, les couleurs dont tu parlais. Donc, il travaillait vraiment avec une matérialité là, peut-être plus propre au peintre que dans l'outillage ou la technicalité là, du graveur. Donc, je trouvais ça intéressant aussi comme de voir ces différentes pratiques-là avec des résultats totalement différents. Et je vous dirais que, justement, la pièce est bien remplie chez Engram par rapport à tout ça. Donc, vraiment, super expo à aller voir. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Super. Si on est amateur, là, justement, d'estampes, de gravures, ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil à ces bijoux, comme tu dis, Suzy. Donc, c'est juste qu'on a encore le temps, là. Ça, comme on dit, ça vient tout juste de débuter. C'est jusqu'au 3 avril. Et en même temps, je profite au passage parce que quand je suis allée voir, justement, aussi, lors du vernissage, l'exposition, il y a de nombreux, workshops, d'ateliers qui sont offerts, justement, dans l'atelier d'Engram. Je vous invite à aller sur leur site web parce qu'il y en a de nombreux, mais notamment, on va avoir très prochainement un atelier sur la sérigraphie, photogramme et pochoir direct. Également, il va y en avoir un aussi quelques jours plus tard, reliure copte et aussi sérigraphie, brouiller les strates. Donc, enfin, on va jeter un œil là-dessus parce que ce sont de très beaux ateliers aussi qui sont offerts donc chez Engram. Merci beaucoup, Suzy. Ça a été un plaisir, mesdames. Parfait. Bonne soirée. Merci. Donc, nous, on fait une pause publicitaire et on se revoit pour la deuxième moitié de l'émission. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique classique. L'accroche-cœur avec Jean Lecomte, Laurent Patnaud et Jean Perron, les samedis de 10h à midi. Continuo avec Denis Grenier, les dimanches de 9h à midi. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Vicky de la succursale du Vieux-Québec vous propose le roman jeunesse « Quelques minutes après minuit » de Patrick Ness. Un petit roman qui possède la force d'évocation d'une légende millénaire et qui vous hantera bien après sa lecture. Et Marc-Antoine de la succursale Saint-Roch vous suggère la bande dessinée « Ici ». Avec un dessin exceptionnel rappelant Edward Hopper, Ici raconte une multitude d'histoires se déroulant toutes dans le même lieu sur plus d'un milliard d'années. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Que l'on soit fumeur ou non fumeur, lutter contre le tabagisme est l'affaire de tous. Au Québec, la loi concernant la lutte contre le tabagisme a été renforcée. Cela signifie, entre autres, que le montant des amendes pour le non-respect de cette loi a été augmenté. De plus, l'usage de la cigarette électronique est maintenant soumis aux mêmes règles que celui de la cigarette et des autres produits du tabac. Pour en savoir davantage sur la loi et ses différentes mesures, visitez santé.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% au restaurant Pub Le Dorcé, 65 rue de Buade, à Québec. dorcerestaurant.com. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Première Ovation permet la diffusion des talents émergents de la capitale. La mesure Première Ovation invite les artistes et les collectifs de la relève de Québec à déposer leurs projets dans les volets arts littéraires, danse, musique, théâtre, cirque, patrimoine et arts multi. Les différents programmes des bourses de Première Ovation ont été créés pour répondre aux besoins spécifiques du milieu et pour soutenir les débuts artistiques des jeunes talents de Québec. Plusieurs volets permettent également des dépôts tout au long de l'année. Découvrez-les sur premièreovation.com. Parce que je t'ai rendu ailleurs, je suis rendu ailleurs. Fait que t'es rendu où? C'est le mariage puis les bébés à cette heure, c'est ça? Moi, je t'apprends à vivre, mais après ça, ta vie, tu la veux avec une autre. Tu me déçois tellement. Je veux que tu t'en ailles de chez moi. Les parallèles se rejoignent à l'infini, une création définissante du Conservatoire d'art dramatique de Québec dans une mise en scène de Michel Nadeau au Théâtre du Conservatoire du 28 février au 6 mars à 19h30, matinée le 5 mars à 15h. Informez-vous au 418-643-9833. De retour à l'aérospatiale pour cette deuxième heure. J'entends la France au micro avec Audrey Carreau. On reçoit au téléphone Maude Bernier-Chabot. Bonsoir, Maude. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Oui. Je parle avec Gentiane. Oui, oui, avec Gentiane et Audrey. Donc, là, c'est la voix de Gentiane que tu entends. C'est pas toujours évident comme ça au téléphone avec les voix qui sont un peu déformées par... Je reconnais, là. OK, c'est bon. Maud et moi on s'est connus il y a une dizaine d'années de cela quand on a participé à un projet qui a cours à l'UQAM à Montréal, donc un projet étudiant où on jumelle des étudiants en histoire de l'art et des étudiants en art visuel et Maud et moi on a été couplés. Pour ce beau projet. Et puis là, on se retrouve ici au micro de CKRL. Oui, c'est bien d'avoir une deuxième chance de travailler ensemble. Oui, ça fait plaisir de... Comment? On peut dire ça. Oui, ça fait très plaisir d'entendre ta voix. Donc, tu présentes actuellement l'exposition « Anatomie d'un paysage » dans la petite galerie de l'œil de poisson. Et en plus, tu exposes simultanément au Centre culturel Yvonne L. Bombardier à Valcourt, donc grâce à une bourse que tu as obtenue dans le cadre de ta maîtrise. Oui, c'est ça. J'ai aussi une autre exposition en cours pour les gens qui sont sur Montréal au Centre de Bridge qui se trouve à être dans la bibliothèque du Boisé. Oui, et puis également à la fin du mois d'avril, tu vas exposer à Circa Montréal. Donc, oui, Maud, ta jeune carrière semble prendre un envol assez marqué. Ça va? Est-ce que tu dors? Pas beaucoup ces temps-ci, mais la vie, c'est souvent comme ça, hein? C'est tout en même temps ou rien, donc on le prend quand ça passe. Donc, ta pratique repose sur beaucoup sur le moulage d'éléments naturels que tu vas dénaturer pour leur donner une apparence un peu plus ambiguë. Donc, ce qu'on retrouve dans la petite galerie de l'œil de poisson, c'est très inspiré par les modèles semblent venir des profondeurs marines, là, du fond des mers. Est-ce que tu peux nous parler un peu du travail de recherche que tu fais pour recueillir ces éléments marins-là qui vont te servir de matrice, si on veut, pour tes moulages? Oui, avec plaisir. En fait, c'est drôle que tu amènes la question du moulage, comme quand on avait travaillé ensemble, c'était, tu dois t'en rappeler, c'était des images photographiques. Oui. Donc, moi, je viens plutôt du monde de la photographie. En fait, j'ai arrêté de faire de la photographie quand ça a changé au numérique, comme le processus créateur n'est pas du tout le même. Mais je pense que le moulage et la photographie, ça a quand même quelque chose en commun. Hein. Ça prend l'empreinte d'une certaine réalité, et les questions de style sont plutôt amenées par des choix de cadrage, en moulage de matière, bien sûr. Et donc, ça a quand même des affinités ensemble. Donc, ce qu'on trouve en ce moment à l'œil du poisson, c'est pas des éléments qui ont été faits par moulage. C'est très nouveau dans mon travail parce que d'habitude, je travaille simplement par moulage. Mais là, en fait, comme par moulage, normalement, ça prend un choix de sujet et que je travaille toujours avec des matières plastiques qui sont des matières, en fait, qui peuvent prendre toutes les formes qu'on veut bien leur donner, mais pourtant en possède aucune. Donc, c'est pour ces raisons-là que par moulage, ça fait beaucoup de sens d'utiliser des matières plastiques comme la forme est donnée et la matière plastique peut venir imiter cette forme-là. J'avais envie de me donner un nouveau défi. J'avais envie, cette fois, de plutôt laisser les matières plastiques prendre les formes qu'elles voulaient. Donc, un travail qui n'est pas vraiment fait par moulage cette fois, mais qui a été de mettre des matières plastiques en contact avec des éléments du monde naturel et de les laisser aller, donc dépendamment la chaleur, l'humidité, par exemple, la gravité même, et de laisser ces matériaux plastiques-là prendre la forme qu'elles avaient bien envie de prendre. Donc, même si on est face à des matières qui sont artificielles, les formes qui sont données sont vraiment les formes qu'elles voulaient prendre. Donc, c'était une des premières pistes de recherche. Et ensuite de ça, comme tu l'as mentionné, c'est beaucoup du monde marin parce que j'étais à la recherche de collections qui sont dites aliénées auprès de musées d'histoire naturelle. Donc, quand on parle d'espèces aliénées, on parle, en fait, dans le monde muséal, c'est des espèces qui soient peuvent plus être présentées au public parce qu'elles n'auraient pas assez d'informations scientifiques, parce qu'on ne sait pas d'où elles proviennent ou parce que simplement il s'agit d'un doublon qui est peut-être moins intéressant qu'un autre. Donc, des laissés pour compte. Parce que c'est trop abîmé et que là, ben, ça ne représente plus vraiment d'intérêt de le présenter au public. Mm-hmm. Donc, moi, j'avais envie d'avoir des espèces aliénées. Donc, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais avoir au début de mes recherches et finalement, j'ai eu accès à une collection de coquillages, en fait, qui vient du musée, de la réserve du musée d'histoire naturelle d'Ottawa et qui m'a été léguée par le conservateur là-bas, Jean-Marc Gagnon. Donc, toutes les pièces qu'on voit, au début, je voulais travailler par moulage, je voulais les reproduire et finalement, j'étais tellement intimidée par ces objets-là qui ont des décennies, qui sont faits dans des matériaux que j'avais pas vraiment envie de changer finalement parce que c'était fascinant. Donc, ça a plus été un point vraiment d'inspiration parce qu'ils sont partout dans mon studio et je pense qu'on le ressent beaucoup dans les œuvres, mais finalement, ça a plus été un jeu entre les éléments qui sont des éléments naturels et les éléments que j'ai fabriqués. Donc beaucoup plus un mimétisme qu'une empreinte cette fois-ci. Oui, absolument, mais toujours en questionnant la construction du monde naturel et les questions de la construction du monde artificiel qui sont finalement toutes deux des constructions de société. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un point quand même assez important dans mon travail. Donc j'ai continué avec ces mêmes questionnements-là. Simplement, cette fois, c'était vraiment en poussant ce que les matériaux voulaient bien faire. Donc, en laissant les matériaux travailler, mais tu as quand même une attention qui est très, très soignée, qui est portée à la texture, aux couleurs aussi. Là, c'est vraiment des choix que tu fais de façon arbitraire. Oui, ben c'est sûr que, bon, c'était un travail de recherche qui s'est établi sur un an. Donc, je suis allée en Italie où j'ai visité les ruines de Pompéi et j'ai vu toutes sortes d'objets qui appartenaient à Pompéi. Et ça l'a quand même aussi inspiré le travail. Il y a toujours plus qu'un élément de recherche qui entre dans un travail, je pense. Ça devient assez foireux, finalement, à nos expériences. Mais je pense que les couleurs, les textures, tout ça, ça venait vraiment après mon retour en Italie. En effet, on sent vraiment ce côté ruine, artefacts, des éléments qui ont été un peu altérés par le passage du temps. Comment? Qui ont peut-être été rongés ou oui. Ils semblent avoir passé dans le temps, je pense, les objets que j'ai fabriqués. Oui, en tout cas. Et puis, une toute toute petite dernière question. La mise en espace de ces œuvres-là est quand même très minimaliste, oui, c'est ça. J'en perds mes mots. Donc, très minimaliste. Et puis, les œuvres sont de teintes très, très claires, blanchâtres, souvent. Comment est-ce que tu as réfléchi la mise en espace de ces pièces-là dans ce lieu-là qui n'est pas si facile à occuper qu'est la petite galerie de l'œil de poisson? En fait, j'avais envie, comme l'œil de poisson, des ressources, il y a un atelier de bois, un atelier de métal, donc j'avais cet accès-là, j'avais vraiment envie de construire un socle qui allait répondre à l'espace. Donc le socle d'une des pièces principales est vraiment anglais, de la même façon que la chambre. Je pense que le choix de faire des œuvres minimales, ça vient encore une fois d'une observation sur les espaces modernes et comment on habite ces espaces modernes-là et comment les éléments vont interagir entre eux, mais toujours en étant quand même assez près de ce qui se passe dans le monde de la modernité en ce moment. Le temps passe vite, mais en fait... toujours avec toi. Oui. Et moi, je parle beaucoup. Oui, mais c'est toujours un plaisir de t'écouter. Exposé jusqu'au 13 mars dans la petite galerie de l'œil de poisson. Merci beaucoup, Maude, d'avoir répondu à notre appel. Passe une belle fin de journée. Merci, Gentiane. Bonne journée, c'est un plaisir. Donc, on part à la pause avec un extrait de « Magie érotique » de Geneviève et Mathieu. Quand l'ordinaire est chaud, comment ne pas songer à la magie? La magie. La magie. Magie érotique, effet merveilleux, paradis magique, lapis lazuli. Provoquer les passions sur ta boule de cristal. Va et viens la colonie. Magie érotique. Identique, n'est-ce pas une maladie miraculeuse? La couronne du couronnement, la violence des sensations. Nous sommes de retour et Louane Bourdeau s'est joint à nous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Louane, tu vas nous parler de l'exposition Discipline de Matt Rogalski à la Galerie des Arts Visuels qui est actuellement en cours. Eh bien, vas-y, quelle est cette... Je vais commencer par présenter un petit peu. En fait, ça fait partie du mois multi, le mois multi qui s'est terminé cette fin de semaine, mais l'exposition Discipline continue à être jusqu'au 13 mars. Donc, on a encore le temps de la voir, deux semaines encore. Donc, en fait, c'est Gordon Monahan. Oui, Monahan. qui est le commissaire de l'exposition. En fait, c'est Ariane Plante, la commissaire du Mois Multi, qui l'a invité à choisir une œuvre qu'il voulait nous présenter. Donc, il nous présente l'œuvre de Matt Rogalski. Donc, en fait, je vous explique très rapidement ce qu'on voit quand on arrive en salle. Donc, en fait, on arrive devant nous. Il y a 12 guitares, des Fender Stratocaster, donc vraiment la guitare électrique, icône du rock. Moi, on passe à Wayne's World là, dans ce temps-là. J'ouvre le sur la mienne. Donc, vraiment, 12 guitares qui sont devant nous, qui sont sur des supports, qui sont branchées à des amplis. Et voilà. Donc, c'est vraiment ça l'installation. C'est une œuvre sonore. Mm-hmm. Donc, c'est très déstabilisant quand on arrive parce qu'on voit ces guitares-là, puis on a l'impression qu'on va voir un spectacle, un musicien qui va arriver. Mais non, les guitares sont, dans le fond, autonomes et ils vont diffuser une musique, en fait, qui vont être, ça va être l'écho d'une station rock. Mais une station rock locale, hein? Oui, donc ça, exactement. Ça change d'une place à l'autre. D'une place à l'autre. Puis, donc, on s'attendrait à quelque chose d'assez rock. Oui, mais assez sonore oui, aussi, là. Mais au contraire, en fait, on arrive, puis c'est des sons qui sont très méditatifs, c'est presque aquatique. Donc, on est vraiment déstabilisé par à la fois le visuel, mais le sonore. On s'attend à quelque chose qui soit super mouvementé. On arrive, c'est calme de façon visuelle et sonore. Donc, c'est vraiment une expérience qui est super intéressante à vivre. Mm-hmm. oui. Non, c'est ça, c'est vraiment tout est dans l'expérimentation, mais aussi je pense ça doit avoir quelque chose de déstabilisant aussi de parce que là tu le sais, en lisant le communiqué, on peut comprendre, mais j'avoue que tu sais quelqu'un qui rentre là, il doit avoir une espèce d'incertitude ou de choc un peu. Mais c'est très intriguant en fait, on se demande de comment ils dénaturent les sons, parce que le son est complètement dénaturé, on le reconnaît pas du tout. Quand on sait que c'est une radio rock, exact, on entend des petits filets de son très lents, on ne capte que très peu de rythme. Mais en fait, oui et non, en fait ce que la personne à laquelle me disait, c'est que elle pouvait se rendre compte si c'était de la musique ou des gens qui parlaient ou des publicités, parce qu'il va y avoir quand même une certaine rythmique qui va se créer entre les différentes guitares. Donc, ils sont 12 guitares, on l'a dit, mais en fait, ça va être une gamme qu'on appelle une gamme chromatique tempérée. Donc, chaque... dans le fond, la gamme est divisée en 12 sons et donc chacune des guitares va résonner selon un son différent. Donc, quand c'est une musique, on peut finir par entendre une certaine harmonie, une certaine rythmique, une répétition, tandis que si ça, c'est, disons, des publicités, ben là, ça devient complètement chaotique. Donc, il y a vraiment cette idée-là aussi du long terme. Et puis, c'est transmis de façon quasi simultanée. Donc, si on connaissait le poste de la radio, là, on pourrait vraiment faire, disons, une double écoute. Exactement. Ouais. Donc, ça rend l'expérience encore plus intrigante. Là, après, quand on réécoute la radio, on se dit, mais mon Dieu, comment est-ce que des guitares peuvent traduire ainsi cette musique-là? Là? Mm-hmm. Puis l'installation est très belle aussi. Il y a un souci de couleurs, hein? Mm-hmm. Les guitares ont toutes des couleurs oui, différentes. Il y a quelque chose de très ludique, jouet, un peu pastel. Oui. Puis la disposition aussi, je pense. Oui. Moi, je ne l'ai pas vu ici dans sa mm-hmm. présentation, mais j'ai vu un vidéo sur le web. Et puis, moi, ça me faisait penser un peu comme un orchestre ou enfin, je sais pas si c'est comme ça à la Galerie des Arts Visuels, une chorale, c'est vraiment en hémicercle, donc un demi-cercle. Puis, ce qu'il y a de particulier aussi, c'est qu'on n'arrive pas à voir d'où le son provient. Puis même en se promenant, on a l'impression parfois, tel son provient de tel endroit. On s'y rend et on se rend compte que pas du tout. Mm-hmm. Donc vraiment, le fait que ce soit en demi-cercle, le son résonne beaucoup puis il va beaucoup voyager dans la salle même, là, mm-hmm. comme il n'y a pas d'autres objets pour arrêter... Les ondes, mm-hmm. exactes. Ça doit être particulier aussi, la sonorité à chaque lieu également où c'est présenté, étant donné les paramètres de l'espace. Oui, ça doit faire quand même un changement. Puis je trouvais ça aussi intéressant, le fait qu'il n'y ait personne qui joue de la guitare. Donc, mm-hmm. les ondes de radio, c'est présent tout autour de nous, on s'en rend pas compte. Puis il y a cette espèce de transfert-là vers les guitares qui sont jouées par personne au final. Donc, il y a tout le changement de direction, disons, du son qui devient très intéressant. On a l'impression que pour jouer de la guitare, ben il faut la gratter, il faut faire du picking, mais tandis que là, c'est vraiment la réverbération dans l'instrument même qui devient le son. Donc, il y a quelque chose aussi là, que je trouve particulier à exploiter là, par rapport aux ondes radio. Là. Mm-hmm. Et puis, moi, ce qui me fascine justement avec des œuvres comme ça, là, qu'on découvre souvent dans le contexte mm-hmm. du mois multi, c'est ça, tout ce côté Bon, sur le plan visuel, qui nous apparaît somme toute assez simple, mais qui cache tellement aussi de tout de bidouillage électronique, technologique. C'est un mystère. C'est vraiment ça, moi, je pense aussi, la beauté puis de ces œuvres-là aussi, c'est de voir la simplicité sur le visuel, mais combien ça cache aussi tout un côté extrêmement complexe sur le plan de la programmation, j'imagine, ou la recherche sur le plan technologique aussi que ça doit demander. Enfin, moi, ça, c'est toujours le plaisir de découvrir ça dans des œuvres du monde multi comme ça, là. Ouais, on imagine le technicien travailler à faire ses petites soudures. c'est tellement mystérieux, tout le monde de l'électronique. Pour nous, ça devient vraiment une espèce, ça devient magique. Oui, il y a quelque chose dans l'explication de l'œuvre qui est quand même assez simple, mais quand tu essaies de conceptualiser comment la personne fait ça, là, il y a quelque chose d'assez énigmatique et opaque là, dans le travail. C'est ça, c'est beaucoup plus complexe que de le dire. C'est facile de dire, oui, on va faire ça. On va inverser les sons. Oui, mais de le faire, c'est autre chose. Et puis, moi, cette œuvre-là aussi, ça me faisait penser à une œuvre qui avait été présentée il y a déjà cela quelques années au Mois Multi, mais qui était un peu dans le même esprit. Au lieu d'être des ondes radio qu'on transférait avec ses guitares, ben là, on était dans une voiture et c'était un système qui, selon les déplacements de la voiture, si on tournait à gauche, à droite, si on allait vers le nord, le sud, l'est, l'ouest, les lumières aussi de rue également, bien, ça captait, la voiture captait tout ça et ça émettait des sons à l'intérieur de la voiture. Donc, créer toute une espèce de trame sonore un peu électronique et tout. Fait que ça m'évoque un peu aussi ce principe-là, justement, oui, de prendre un élément de la matière puis de le transformer, justement. Il y a aussi la notion de hasard qui est présente, je pense, dans les deux œuvres. Tu sais jamais qu'est-ce qui va jouer à la radio. Donc, d'un moment à l'autre de la journée, il doit y avoir quand même des distinctions assez importantes là, dans ce qu'on entend. Bien, merci beaucoup, Louane Bourdeau, d'être allée voir ça pour nous. Donc, on rappelle à tout le monde, c'est jusqu'au 13 mars à la Galerie des Arts Visuels. Et on s'en va pour une dernière pause audio. On va écouter cette fois-ci l'extrait « Miroir ». Il m'a dit que j'ai rendez-vous sur le tapis, il était rouge. Ce vif rouge qu'on retrouve les soirs de fête, dans les galas, il était là, bébé de nom, et tout chantant devant le miroir. Miroir. Voilà bien la première fois que Guy Déniche, comme contrat, lâche son national. Chanter plus de 20 spectateurs, tout bébé de nom, le voilà. Chantant pour toi. Et mon Guy, ça va bien aller, je te le dis, car c'est toi qui es fait pour ça. Chanter ce cri de rassemblement ultime, chanter ce cri de rassemblement devant le miroir. Miroir. Guy n'a plus vraiment envie de chanter, et même ils se sont déprimés. Chanter la Okbana ne l'intéresse pas, et moi je ne comprends pas. Et mon Guy, tu t'es dégonflé, et il m'a dit celui qu'il est, c'est lui qu'il dit, comme disait mon avis franc. Les soirs de trinque en région, on était là. Oui, tous buvons devant le miroir. Miroir. Frank drinque comme un tank et moi j'ai de la peine à le suivre. Frank drinque comme un tank et moi. Alors, nous sommes de retour pour les événements de la semaine. Jean-Tiane, qu'est-ce qui retient notre attention cette semaine? C'est pas une semaine très, très, très, très active. En fait, c'est la relâche. Et le Musée national des beaux-arts de Québec propose une panoplie d'activités dans le cadre de la semaine de relâche. Donc, tous les jours, du 29 février au 4 mars, des ateliers pour les enfants. Donc, la cabane objet, oiseau-crayon, dessin d'observation. Également, des ateliers de stop-motion. Intéressant, ça. Oui. Donc, les ateliers de stop motion sont en continu dans le pavillon central toute la semaine. Également, des spectacles, des animations. Donc, un spectacle interactif bric-à-brac. Aussi des courts-métrages d'animation qui vont être projetés également en continu dans l'auditorium. Donc, à tout moment, on peut arriver au musée en famille, participer aux activités, même que le musée a ménagé un espace pour la pause, pour prendre leur pour prendre un lunch. Mm-hmm. Donc, tout est là pour accueillir les familles et avoir beaucoup à faire. Et évidemment, vous pouvez aller voir les expositions qui ont cours au musée. Également, ce vendredi 4 mars va avoir lieu à la Galerie 3 à 17h30 le vernissage de l'exposition Check Engine de Martin Bureau. Donc, Martin Bureau qui nous présente sa production récente, qui fait part de ses réflexions de son voyage de son contact avec le mur de séparation entre l'Israël et la Palestine, toujours ancré beaucoup dans l'actualité et géopolitique aussi, oui, beaucoup. Dans le géopolitique, mais également avec un ancrage dans la culture populaire. Donc, Check Engine, ça réfère au monde des moteurs et au monde des voitures, qui est quand même assez caractéristique dans les explorations de Martin Bureau. Donc, ce vendredi. Et c'est la dernière semaine pour aller visiter dans le studio d'Avatar Pirouette d'Adam Basanta jusqu'à samedi et jusqu'à dimanche pour aller visiter Morceler le paysage d'Audrey Demers-Roberge au Cercle et dans l'intervalle d'Ivanov Stoeva à la bande vidéo. Alors, merci beaucoup, Jean-Tiane. Si vous, justement, voulez savoir tous ces événements-là, on vous invite à consulter notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Eh bien, je remercie pour cette émission tous mes invités, Jean-Robert Drouillard ainsi que Maude Bernier-Chabot. Et bien sûr, on remercie nos collaborateurs et collaboratrices Suzy Dufour, Louane Bourdeau ainsi que Jacques Gignac à la mise en onde. Et bien sûr, je te remercie, chère précieuse collaboratrice, co-animatrice Jean-Tiane. Ben merci à toi, Audrey. Donc, on cède le micro à Pierre Blais, son émission Situation critique, et nous, on vous dit à mardi prochain. À mardi! Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. lebaldulezard.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Le Radioton de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20$ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25$ avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-Radioton et le prix spécial Membership. Objectif. 40 000$. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e avenue entre 9h et 17h30, par téléphone au 418-640-2575, poste 201, ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle, regarde ce que t'es devenu. Un homme invisible, un coup de vent. Ouvre la porte, puis on ne te voit plus. Rendez-vous doux avec Corias. Le thème de l'album, c'est autour de la recherche d'approbation puis du narcissisme. Encore une bonne raison pour rapper dans le mic. Des